Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur les ondes de Radio Béton, les ondes du 93.6. On est ensemble en direct pour la rentrée de Hellbanger Radio Show. C'est la 13e rentrée et demie, si j'ai bien compté sur mes petits doigts, j'ai dû utiliser mes doigts de pied pour ça. Voilà, présent sur les ondes de Radio Béton depuis janvier 2010, on fractionne chaque année... et bien tout simplement en deux semestres après une bonne petite pause estivale. Nous voilà donc de retour, toujours à trois, hein, Sylvain aux manettes générales, moi-même à l'animation minimale, et l'ami Thibaut à l'animation... comment on dit ? Maximale, exactement, l'animation maximale, qui viendra nous ponctuer l'émission de ce soir de ses petits focus, tout simplement des mises en avant de groupes et d'artistes qui ont vraiment matché avec ses petites oreilles sensibles, délicates et gourmandes. Voilà. Pour ce soir, sans surprise, on fait un petit rattrapage des excellentes sorties de cet été. Et on a plein de trucs à s'écouter, des choses excellentes, des choses très bonnes et des choses vraiment génialissimes. On ratisse large en termes, pour ceux qui seraient amenés à nous découvrir, en termes de metal extrême, de hardcore. Sans dire qu'on snob un peu tout ce qui est moderne, c'est juste pas trop notre cam. On s'efforce d'aller gratter au niveau des styles sur des groupes venant de pays non alignés, sur ce que l'on peut retrouver musicalement parlant en termes d'influence occidentale. Donc on a gratté un petit peu toute cette scène du sud-est, d'Amérique latine, et même les scènes africaines, parce que putain, il y a des perles. Et puis bien sûr on mise sur la qualité avant tout et la mixité au maximum. Ouverture de ce soir avec un grand écart dans les âges, les vétérans américains de Incantation, le groupe de Evil Death Metal actif depuis la fin des années 80, qui sort un énième effort studio intitulé Unholy Defecation. Avec un artwork bien qualitatif, bien soigné, un concept album, hein, puisqu'on a plein de sous-titres sur chacun des morceaux de ce soir. C'est une sortie Relapse Record, l'album a vu le jour fin août, on s'y écoutera le morceau Kellis, et en doublette avec les vétérans de Incantation, une autre formation américaine, les Jeunes Loups de Sonami, pour le coup là le groupe a vu le jour en 2019. On est sur du hardcore glaireux, comme on aime, ça rappe à tous les niveaux, et ça rappe musicalement, la musique est rappeuse, c'est bien gangster dans les artworks et dans l'attitude. Un petit album d'à peine 20 minutes, vous allez voir, c'est très très bon, et on va s'écouter le titre d'ouverture YCAB. L'album s'intitule Sonami, et c'est une sortie sur le très très bon label américain Triple B Records, et pour le coup, ça a vu le jour mi-juin. Bienvenue à toutes et à tous dans l'émission de ce soir, on est l'équipe d'Hellbanger et c'est parti pour une reprise en direct. We'll be right back. Doublette suivante, donc on est sur tout d'abord une formation européenne, The Night Eternal, ça nous vient d'Allemagne. On est sur du heavy un peu occulte, doomisant, assez épique, et vraiment voilà, sur du doom avec une grosse base heavy. On est sur un artwork bien à l'ancienne, justement occult rock à l'époque Coven et premier Black Sabbath. Hein. Ce nouvel effort studio s'intitule Fatal, c'est le second effort studio, il est sorti mi-juillet chez Van Records, le label hollandais. Et en doublette avec The Night Eternal, on retrouve un groupe de black qui fait sensation depuis la sortie de leur premier album, Black Braid. Qu'est-ce qui fait la particularité de ce groupe de black metal déjà ? C'est un groupe qui nous vient des États-Unis. Et surtout, c'est un one-man band issu des populations natives américaines. Donc voilà, toute leur thématique musicale et textuelle forcément tourne autour de ce sujet-là. Le second album studio est sobrement intitulé Black Braid 2. Il fait suite au premier opus sorti l'année dernière. Un visuel très soigné qui aurait pu voir le jour via les Acteurs de l'Ombre. Ce nouvel effort studio de Black Braid sort à nouveau en autoprod et le titre, sans trop de surprise au niveau de la thématique, s'appelle The Spirit Returns et c'était sorti début juillet. Night Eternal enchaîné à Black Braid, c'est parti. We'll be right back. 20h22 à la pendule de Radio Béton, vous êtes à l'écoute d'Elman Girl, rendez-vous du dimanche soir sur les ondes de... le rendez-vous métal, pardon, du dimanche soir sur les ondes de Radio Béton. Les ondes du 93.6, on a démarré l'émission un peu plus tôt que parfois ça nous arrive, mais bon, c'est vrai qu'on oscille entre un démarrage entre 20h ou 21h. D'ailleurs, on fait un petit bibi à Alex du Freaky Mix qui est en presta live ce soir, ce qui nous a permis de récupérer le créneau une heure plus tôt. Et on accueille à nouveau, qui fait aussi sa petite rentrée avec son petit cartable plein de choses trop chouettes dedans, de l'ami Thibaut. Bonsoir. Et bonsoir à toutes et à tous. On t'accueille donc pour le retour des Focus. Et oui, retour des Focus et une bonne soirée en perspective parce qu'on en a quand même 4 de prévus. Direction tout de suite l'Inde pour un groupe qui nous vient de Mumbai exactement, qui s'est formé en 2007, Godslip. Un groupe de brutal death qui est légèrement teinté de grindcore, qui sort là son 3e album. Ils ont sorti donc en 2013 Skyward in the Sewer, un album de brutal death qui est vraiment cru et violent et assez riche dans sa globalité malgré l'aspect très frontal de ce qu'il propose. Pour moi, c'est une petite pépite dans le style. Comme nous, on les a aperçus en live il y a un an maintenant. Il y a un an, c'était l'année dernière dans le cadre du Death Fist en Allemagne. Et c'est vrai que j'en gardais pas un souvenir plus que ça. Et là, avoir réécouté l'album, je fais waouh, c'est vraiment monstrueux ce qui est proposé en tout cas sur ce premier album. Bah moi, j'ai souvenir que sur scène, on s'était dit bon, ok, en fait, à part le, alors c'est très cliché culturel, hein, mais à part le chanteur qui garde son turban sur scène et hors scène, on s'est dit ouais, ok, en fait, faut savoir que c'est des tout jeunes parce qu'en plus ils sont pas bien vieux les mecs devant. Qui viennent d'Inde, parce que bon là, pour le coup, on est sur du brutal death très traditionnel, plutôt américain, mais extrêmement bien exécuté, et c'est vrai qu'à l'oreille, on n'est pas à se dire, putain, ok, c'est un groupe qui vient d'un pays qui n'a pas l'habitude de nous fournir ce genre de formation d'une telle qualité. Ouais, complètement. Et du coup, après cet album de 2013, moi, qui m'a, là, dans les réécoutes que j'ai fait, qui m'a vraiment marqué, il y a leur album de 2017, Amput Theater. C'est un bon album également qui est un peu plus moderne dans sa prod et je trouve moins marquant parce qu'il n'a pas cet aspect cru et un peu viscéral qu'il y a sur le tout premier. Et c'est quelque chose qui va être corrigé un peu par la suite avec donc l'album qui vient de sortir qui s'appelle Carnal, qui est accompagné d'une pochette. Alors c'est fourni, riche, c'est pas forcément moi ce que je préfère en termes de pochette, mais ça colle au style, même si un peu too much à mon goût. Mais il y a vraiment un fourmillement de détails dans le truc. Si tu balades l'œil dessus, tu vois de tout. Et voilà, un peu too much à mon truc, mais ça colle quand même parfaitement à ce brutal death qui est riche et assez étouffant. Et c'est vrai qu'on est, comme dans le visuel, assez vite noyé dans leur musique. Sur cet album, t'as un son qui est beaucoup plus massif, beaucoup plus gras que ce qu'ils ont fait précédemment. Et là où je trouvais que ça desservait un petit peu l'album précédent, sur celui-ci, avec des compositions plus lourdes et parfois slamisante dans ce qu'il propose, t'as ce côté brutal, moderne qui apparaît un petit peu et qui permet de donner de la consistance à tout ce qu'il propose dans l'album. T'as donc le grindcore disparaît justement à travers ça, mais t'as une espèce de dimension qui revient avec cette espèce de, alors je vais mettre des gros guillemets, de deathcore à la Dying Fetus et à la Suffocation, où t'as des moments de hardcore qui apparaissent un petit peu de temps en temps et qui font vachement plaisir. Voilà, ça s'écoute tout seul, ça dure 30 minutes à peine. On a un petit guest de Julien Truchant, le chanteur de Benighted, qui vient pousser un peu la chansonnette sur un des morceaux. Et voilà, c'est vachement cool pour une production qui nous vient d'un pays où on n'a pas forcément beaucoup de choses qui arrivent. Je me suis fait une petite recherche pour voir un peu où on en était. Donc sur Metal Archive, tu trouves 346 groupes de référencer en métal de manière générale pour un pays qui fait 1,4 milliard d'habitants. Je sais pas quelle est la situation, j'ai regardé un petit peu par curiosité pour voir où en était le pays en termes de censure, en termes de liberté de... Et j'ai pas trouvé plus que ça des interdits ou des tabous sur la musique métal à proprement parler. Alors est-ce qu'il y a une espèce de d'omission culturelle dans le sens où c'est pas du tout un bain dans lequel le métal a l'habitude d'apparaître. Je suis dubitatif. Moi, je ne sais pas si toi, tu as déjà un petit peu connaissance de la scène indienne où on en est, mais c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de choses qui arrivent alors que c'est quand même le pays le plus peuplé du monde. Alors, à ma connaissance, il n'y a pas d'énormes festivals métal. Là, j'ai eu un gros flash sur l'ancien Jakarta Metal Fest, qui est le Emersonic maintenant. Mais du coup, c'est en Indonésie, c'est pas en Inde. Mm-hmm. Je sais que des gros groupes comme Iron Maiden, tout ça, ont déjà joué en Inde. Mais, justement, ça a été un petit événement dans ce que j'ai regardé. C'est-à-dire qu'il y a eu des articles sur la venue d'Iron Maiden en 2007 dans le pays. Et moi je me rappelle du coup, c'est de mémoire dans le film Fly 666, où en fait les mecs ils montent une scène en bambou, ça se demandait, alors que pourtant c'est un pays qui fonctionne encore en système de caste, vraiment une classification sociale des populations, qui est pour les castes middle et aisé, très en avance technologiquement, très en avance par rapport aux autres castes, donc très aligné sur l'Occident. Et donc, on peut se dire, mais clairement, en termes d'infrastructure, ils ont largement de quoi produire des scènes pour accueillir Iron Maiden. Et du coup, il y a 15 ans, non, c'était des scènes en bambou. Ouais. Voilà, donc c'est vrai que c'est un peu le flou. C'est vrai que c'est pas forcément un pays sur lequel je suis très à l'aise en termes de connaissances, de développement culturel, notamment via la musique. Et voilà, effectivement, là, la scène metal extrême vivote là-bas. J'ai presque envie de dire que Chuck Zul serait plus calé que moi pour répondre un peu à cette question de la vie de la scène metal extrême en Inde. Mais c'est vrai que c'est très très très rare qu'il y ait des groupes qui nous sortent de ce pays-là. Et pour le coup, Gutslit sort vraiment son épingle du jeu. Le copinage qui s'est fait avec les membres du groupe allemand Stillbirth les a aidés pour tourner en Europe. Ils se sont fait connaître également aux États-Unis. Enfin voilà, c'est des icônes qui s'investissent énormément. Ce qui peut laisser penser qu'ils ne viennent pas d'une caste trop pauvre, par exemple, pour s'équiper, etc. Après, voilà, je suis pas du tout calé plus que ça sur le sujet. Et là, c'est quand même surprenant, parce que quand tu grattes un peu les groupes, t'as de tout, quoi. Tu trouves du black metal, du thrash, du brutal death. Enfin, t'as vraiment tout le spectre qui est représenté, mais à une échelle qui est complètement... Une goutte d'eau. Une goutte d'eau par rapport à la taille du pays. Et on verra plus tard dans la soirée, je spoil un peu... On a des pays où les libertés sont beaucoup plus restreintes, avec un nombre d'habitants à peu près similaire, qui arrivent à proposer plus de groupes encore. Du coup, c'est assez surprenant d'avoir si peu de production qui vient de ce pays-là. Toujours est-il que Gutslit, là, il propose vraiment un album monstrueux, il est vraiment super cool. Allez écouter celui-ci, écoutez le premier pour vous faire un avis aussi sur ce qu'ils ont sorti précédemment, parce que la première sortie est vraiment monstrueuse. Et puis voilà. Et puis à noter que l'artwork a été fait par un des membres du groupe, hein, très riche, qui voilà. Ouais. C'est un mélange entre du Lovecraft, du Giger, voilà, du démonique, du gore. Donc effectivement, c'est très riche, très chargé. Somme toute esthétique, et ça colle très très bien avec l'ambiance musicale de Gutslit. Le titre choisi pour illustrer ce focus, The Killing Joke. Voilà. Pour moi, juste le meilleur morceau de l'album. Voilà. Et ben, c'est parti. Worry about. We'll be right back. Hop, voilà, et après une petite recherche hors antenne pour se fixer là en, comment dire, en clôture du focus sur Gutslit, on a regardé, effectivement, il y a quelques festivals métal qui ont eu lieu et ont encore lieu en Inde. Un peu métal extrême, il y en a qui se sont arrêtés au début des années 2010, et le plus important resterait le Bangalore Open Air, avec une programmation très orientée métal extrême, des groupes tels que Creator, Marduk, Nile, Suffocation, etc. Voilà, pour faire un petit épilogue sur le sujet. On enchaîne avec la diff, avec tout d'abord Deadhead qui nous a sorti un EP chez le très bon label ricain, une fois de plus, Triple B Records. Deadhead, on est sur... Deadhead, voilà, même. On est sur un de ces petits fleurons post-2010 du très très bon crossover trash hardcore. Groupe plutôt prolifique hein, en termes de sorties studio, alors aussi bien des splits, des démos, etc. Deux albums, là c'est un nouvel EP, donc Endless Torment, avec un visuel très très maniaque dans le style, hein, comment dire, à faire lorgner dessus par les mecs de Municipal Waste. C'est hyper efficace, super speed, dynamique au possible, c'est sorti fin juillet. Fen, ensuite, là on change radicalement de style, et ça nous emmène jusqu'en Angleterre, du côté de Londres. On est sur du Black Atmo, avec même des influences post-rock dedans. On peut citer allez, un petit trio de références, Wolves in the Throne Rooms, Alceste et même Agaloc. Petite discographie plutôt sympa, hein, depuis pareil, la fin des années 2000, début 2010. C'est déjà le septième effort studio pour Fen, intitulé Monument to Absence, une sortie Prophecy Production, ça a vu le jour début juillet. To Silence and Abyss We Reach, extrait donc du nouvel effort de Fen. Et après, ça va aller très, ça va aller très très vite. Deadhead avec le titre Endless Torment, extrait de l'EP du même nom. C'est parti. 20h47 à la pendule de Radio Béton, deuxième prise d'antenne de l'ami Thibaut pour son deuxième focus de ce soir. Et spoiler alert, on reste à peu près dans le même secteur géographique. Ouais, presque à quelques milliers de kilomètres près, mais oui. Oh mais par contre, on reste sur le continent. Sur une map monde, c'est à côté. Hein. Voilà. Bon, on reste sur le continent asiatique avec un groupe qui commence à avoir quelques années au compteur, Church of Misery, le groupe de Doomstoner qui nous vient de Tokyo. Ils sont formés en 1995 et ils en sont à leur 7e album. Ils ont commencé donc alors une première sortie album en 2001, Master of Brutality, un album qui est marqué, inspiré et ouvertement hommage à Black Sabbath. Oui, pour pas dire ouvertement plagié. Ouvertement plagié, je sais pas, mais en tout cas une déclaration d'amour, dirons-nous, à tout particulièrement un rappel à l'album Master of Reality, où il emprunte jusqu'à la police sur la jaquette de l'album. Un très bon album pour les amateurs du style, que je recommande, parce qu'il est vraiment bien branlé, et ça permet d'écouter du Black Sabbath sans en écouter, c'est vraiment chouette. Surtout pour ceux qui aiment vraiment cette période des tout débuts de Black Sabbath, dans sa version... pas des tout débuts, mais justement... de Black Sabbath dans sa seconde période avec l'album dont j'ai mangé le nom, avec Paranoid, Iron Man et tout ça, et l'album fonctionne vraiment super bien. En 2004, ils sortent The Second Coming, un des meilleurs albums, je trouve, qui reste très doom traditionnel dans son approche, mais qui est agrémenté du chant du chanteur qui est arrivé à cette époque-là, Hideki Fukuzawa, qui a un chant terriblement écorché sur l'album. Et je trouve que ça frappe, c'est vraiment très marquant dans ce qu'il propose. En plus, il y a énormément de réverb sur certains morceaux. Et t'as une ambiance qui est vraiment dingue. Et j'ai vraiment énormément accroché à cet album. En 2007, ils sortent Volume 1. Alors, Volume 1, ça devait être leur premier album. Et en fait, ils s'en sont écartés parce que, justement, je voulais m'arrêter un petit peu là-dessus. Mais tout le concept, tout le projet qu'il y a derrière le Church of Misery... c'est un concept qui doit parler des serial killers dans sa généralité dans le monde, tout particulièrement les serial killers des États-Unis qui sont très représentés. Et cet album-là n'est pas dans ce concept-là, et c'est pour ça qu'à l'époque, quand ils ont voulu consacrer le projet aux serial killers, ils ont abandonné un petit peu cet album qui est sorti, je pense, une dizaine d'années après la date à laquelle il devait sortir. Et là, vous en êtes également outrancièrement dans la référence à Black Sabbath, visuellement. Oui, là, c'est pareil, hein, on reste dans le même, voilà. On reste dans le même délire. Et puis au niveau du nom de l'album, etc. Voilà. oui, non, complètement. Je pense aussi qu'ils ont bien fait de se séparer au fur et à mesure de ce côté groupe de fans, le fan band. C'est ça. Et c'est très bien. Et c'est vrai que dans leur... alors bon, je suis pas un fin connaisseur du sujet, mais on retrouve beaucoup de morceaux qui parlent de BTK, du tueur de Green River. Enfin, vraiment, on retrouve tout le spectre des serial killers de l'histoire, encore une fois, dans sa généralité. Les titres des morceaux sont souvent agrémentés du, entre parenthèses, le nom du tueur. On parle de tel bonhomme. Voilà, histoire qu'on sache de quoi on parle. Et même au niveau des jaquettes des albums, en dehors de ces deux jaquettes qui sont très inspirées Black Sabbath, on retrouve systématiquement... une photo d'archive d'un des tueurs en série qui va être évoqué dans l'album. Ils agrémentent leurs albums, pardon, je ne sais pas si tu l'as prévu, très régulièrement d'une cover. Oui, c'est vrai. Non, je l'avais pas relevé plus que ça, mais effectivement, il y a une cover sur quasiment tous les albums. Voilà. Qu'est-ce que... Je reprends mon fil. Je me suis perdu. Bien fait. Ouais. Oui, voilà. On arrive en 2009, pardon. Oasis of the Unholy, un souffle beaucoup plus stoner dans l'album et un album qui est bien groovy, qui fonctionne assez bien. J'enchaîne assez rapidement parce qu'en fait, vous allez voir, ça va arriver sur une des critiques que j'ai à faire au groupe. En 2013, The Kingdom's Come, un album qui est aussi très bon, qui est dans la continuité du précédent, mais je trouve beaucoup moins marquant justement que Oasis of the Unholy, que je trouve vraiment cool. En 2016, Pardon, vas-y, prononce-le. And Then There Were None. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est pas trop mal, non ? Oui. Même critique que le précédent. Et là, j'en arrive à, pour moi, un des défauts du groupe. C'est-à-dire que, surtout à partir de 2009, c'est très très bien ce qu'il propose dans sa généralité. Encore une fois, c'est vraiment très cool. Et par contre, en fait, à la longue, tous les albums se ressemblent. On a du mal à retrouver vraiment une identité très propre à chaque album. Alors, on a l'identité du groupe qui est présente, mais pas forcément quelque chose de très marquant qui va ponctuer l'album. On a juste tous ces récits qui s'enchaînent des horreurs de l'humanité, mais on n'a pas forcément les albums qui se distinguent les uns des autres. C'est un des reproches que je vais faire au groupe qui est assez dommageable, c'est ça. C'est le fait que ben, on a du mal à reconnaître un album par rapport à un autre depuis 2009. Voilà. Est-ce qu'on s'écoute un petit morceau ? Bah, tout à fait. Hop, histoire de couper la présentation en deux. Le titre Megalomania, extrait de l'album de 2001 Master of Brutality, tout à qui fait. À l'époque était déjà sorti chez Southern Lord Records. C'est parti. Chuff Chuff Misery pour illustrer le focus. Thank you. Et on attaque le deuxième chapitre de ce petit focus autour de Church of Misery, le groupe de Doom++ venu du Japon. Et oui, tout à fait. Et voilà, ce morceau, la balada du premier album qui est sorti, qui est complètement sabbatien dans l'âme. Et voilà, cet album-là est cool, allez l'écouter également si vous aimez le style. Donc là, on arrive en 2023, et ils sortent leur septième album, Born Under a Made Sign. Il va falloir que je dors. Ils ont quand même une histoire qui est assez tumultueuse en termes de line-up, où ils ont eu des gros mouvements dans le groupe. Si j'ai compté comme ça à l'œil, il doit y avoir une vingtaine de personnes qui sont passées par le groupe. Parmi les petites personnalités qu'on retrouve, on aura Scott Carlson, le chanteur d'origine de Death, qui a poussé la chansonnette dans le groupe en 85, qui a également chanté dans Cathédrale au milieu des années 2010, au début des années 2010. On aura également Yoshiaki Nanekishi. D'accord, oui. Voilà, chanteur d'origine du groupe de Doom Death Coffins. Donc voilà, qui a notamment enregistré l'album Master of Brutality avec Church of Misery. Donc voilà, un line-up qui a énormément évolué. Et là, sur cet album, on retrouve justement le chanteur d'origine de Church of Misery qui n'avait pas chanté dans le groupe depuis 25 ans. Et surtout, rien enregistré. Alors peut-être qu'ils avaient enregistré des démos à l'époque, mais en tout cas, pas d'album où il avait chanté. Et je trouve que c'est un retour réussi parce qu'il fait un taf assez cool dans l'album. Globalement, l'album, on a quelque chose qui est à la fois groovy et pesant, du fait du Stoner Doom, donc on a les deux qui s'équilibrent. Ça matche encore une fois très bien sur cet album, et vraiment là, ça pue la campagne américaine, bien crasseuse, bien dégoulinante comme il faut, et c'est parfait, c'est vraiment ce qu'on recherche dans ce style. Je vais y faire la même critique que les albums précédents, c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément une identité qui est encore une fois très marquée dans l'album, mais il n'empêche que c'est quelque chose qui fonctionne très très bien. On a du Doom qui est un petit peu plus présent que sur l'album précédent, mais globalement, on est en terrain connu, pour le bien, pour le moins bien, mais on est en terrain connu avec ce nouvel album. Et en tout cas, Church of Misery, pour les avoir vus cet été en festival, ça fonctionne assez bien sur scène. Je vais faire la même critique que je fais sur les albums, c'est-à-dire que 40 minutes, c'est bien, mais pas plus, parce que on tourne un petit peu en rond au niveau des musiques, et franchement, j'ai pris mon pied pendant 40 minutes, mais il n'en fallait pas plus pour que ça me fatigue et que j'aille faire autre chose. Le chanteur est absolument possédé sur scène. Possédé par quoi, on ne sait pas. En tout cas, il en a trop pris, ça c'est sûr, mais on ne sait pas quoi. Donc voilà, c'est à voir sur scène, c'est vraiment cool. Écouter sur album, c'est chouette. Et là, cette nouvelle sortie est de la qualité qu'on attendait du groupe et c'est vraiment cool. Très bien, moi j'ai surtout un excellent souvenir du jeu de scène du bassiste de Church of Misery qui se la joue Derek de Suffocation à jouer avec la basse au niveau des chevilles et qui joue sur le haut des cordes. Ah voilà, Church of Misery, effectivement, toujours un bon plaisir en live. Freeway Madness Boogie, extrait de l'album Burn Under a Mad Sign, extrait de l'album qui est sorti mi-juin chez Rise Above Records, et c'était donc Church of Misery. California Highway Patrol pulled over Randy Kraft for driving erratically. In the passenger seat of his Toyota Celica, they found a dying Marine, his last victim.